Il me semblait que nous serions heureux sur une planète bleue. C'était pas sérieux. Ils sont venus ceux qui savaient tout mieux. Barbaridos, ils ont mis le feu. C'est le bal des envieux. Ce qu'on appelle les maîtres que l'ennui est contagieux. L'amour appartient au bon Dieu et pas à tous ces vaniteux sur la planète des adieux.